et grand feuilleton de France Culture. Le Comte de Monte Cristo, d'Alexandre Dumas. Adaptation Pierre Dupriez et Serge Martel. Avec Pierre Santini dans le rôle d'Edmond Dantès. Réalisation Jean-Jacques Vierne. Aujourd'hui, 10e épisode, les registres des prisons. Dans la petite île de Monte Cristo, Edmond Dantès a découvert le fabuleux trésor d'Espada, dont l'emplacement lui avait été révélé par l'abbé Faria. Devenu immensément riche, mûri par 14 années passées dans un cachot du château d'If, et par l'enseignement qu'il a reçu de l'abbé Faria, Dantès est devenu un autre homme, un homme impitoyable, essentiellement animé par le désir de se venger. Se faisant alors passer pour l'abbé Busoni, il réserve sa première visite à son ancien voisin, Gaspard Caderousse, qui tient à présent l'auberge du Pont du Gard, une auberge où les pratiques sont devenues de plus en plus rares. Nous sommes le 3 avril 1829. Mercedes se nomme aujourd'hui la comtesse de Morcerf. Oui, elle a épousé Fernand. Celui qu'elle considérait comme son frère. Frailty, thy name is woman. Le mariage s'est fait dans la même église où elle aurait dû épouser ce pauvre Edmond. Il manqua de s'évanouir en passant devant l'auberge où 18 mois auparavant avaient été célébrées ses fiançailles avec celui qu'au fond de son cœur, je crois, elle aimait encore. On dit qu'elle n'est pas heureuse, ou du moins qu'elle ne le serait pas du tout si elle n'avait son fils. Et qui elle... Comment, elle a un fils? Oui, oui. Le jeune Albert, qui lui ressemble beaucoup, paraît-il. Et monsieur de Villefort? Ah, lui, je ne le connaissais pas. Ben, vous ne savez pas ce qu'il est devenu et la part qu'il a prise au malheur de Dantès? Non, je sais seulement que quelque temps après l'avoir fait arrêter, il a épousé mademoiselle de Saint-Méran et quitté Marseille. Sans doute que le bonheur lui aura souri comme aux autres et qu'il est riche comme Danglars, considéré comme Fernand. Moi seul, vous le voyez, suis resté pauvre, misérable et oublié de Dieu. Eh bien, vous vous trompez, mon ami. Dieu peut paraître oublié parfois, mais il vient toujours un moment où il se souvient. Et en voici la preuve. Tenez, prenez ce diamant, il est à vous. Comment, moi seul? Oh, monsieur l'abbé, ne raillez-vous pas? Non, Dantès n'avait qu'un seul ami, vous. Alors, prenez ces diamants et vendez-le. Je vous répète, il vaut 50 000 francs. Et cette somme, je l'espère, suffira pour vous tirer de la misère. Oh, ne faites pas une plaisanterie du bonheur ou du désespoir d'un homme. Hein? Oh, je sais ce que c'est le bonheur. Et c'est que c'est le désespoir. Je ne jouerai jamais à plaisir avec les sentiments. Prenez donc. Mais, en échange... En échange? Oui. Donnez-moi cette bourse de soie rouge que M. Morel avait laissée sur la cheminée du vieux Dantès. Et qui m'avez-vous dit est entre vos mains. Oh. La voici. Merci. Ah, oh, vous êtes un homme de Dieu, car en vérité, personne ne savait quellement vous avez remis ce diamant. Et vous auriez pu le garder. Non. Alors, je puis croire en tout point ce que vous m'avez dit, n'est-ce pas? Sur ce Christ que vous voyez sur le mur, je jure sur le salut de mon âme que je vous ai dit toutes choses comme elles s'étaient passées et comme l'ange des hommes le dira à l'oreille de Dieu le jour du jugement dernier. C'est bien. C'est très bien. Que cet argent vous profite. Addio. Pour moi, je retourne loin des hommes qui se font tant de mal les uns aux autres. Addio, vi benedico. Adesias. Est-ce bien vrai ce que j'ai entendu? Rien de plus vrai, le voilà le diamant, pour nous seuls. Et si c'était faux? Faux? Oui. Pourquoi m'aurait-il donné un diamant faux? Pour avoir ton secret, sans le payer, imbécile. Oh. Nous allons le savoir. Que vas-tu faire? Je m'en vais à Beaucaire, c'est la foire. Aujourd'hui, il y a des bijoutiers de Paris. Je vais leur montrer ce diamant. Toi, tu gardes la maison, hein? Dans 2 heures, je serai de retour. €50 000. C'est de l'argent. Mais ce n'est pas la fortune. April 1829, à Marseille. Hélas, cher monsieur, je ne puis que vous confirmer en tout point ce que vient de vous dire monsieur le maire de Marseille. En dépit de son honnêteté, de sa droiture, je dirais même de sa rigidité morale, monsieur Morel est à la veille de connaître une banqueroute effroyable. Oh oui. Moi-même, j'avais 200 000 francs placés dans sa maison. Il représentait la dot de ma fille que je comptais marier dans 15 jours. Cette somme m'était remboursable. 100 000 le 30 de ce mois, 100 000 le 30 du mois prochain. Mm-hmm. Or, M. Morel était ici il n'y a pas d'une demi-heure, et pour me dire quoi? Que si le pharaon, son avis, n'était pas rentré d'ici au 15, il se trouverait dans l'impossibilité de me faire ce paiement. Ah. Ainsi, cette créance vous inspire des craintes? C'est-à-dire que je la regarde comme perdue. Oh, yes. Bien, je vous l'achète. Vous? Oui, moi. Mais avec un rabais énorme, sans doute. Non. Non, moyennant 200 000 francs. Oh. Oui, la maison Thompson & French de Rome, dont je ne suis que le premier commis, ne fait pas ce sorte d'affaires. Voici l'argent. Voulez-vous vérifier? Monsieur, je dois vous prévenir que, selon toute probabilité, vous n'aurez pas 6% de cette somme. Non, mais cela ne me regarde pas. Cela regarde la maison Thompson & French, au nom de laquelle j'agis. Ouais. Voilà, je vous demanderai seulement une signature en échange de ce transport de fonds. Cela va de soi. Voilà. Voilà. Et un droit de courtage. Mais c'est tout à fait normal, monsieur. La commission est ordinairement de 1,5. Et voulez-vous 2? Ou plus? Oh. Monsieur, je suis comme ma maison. Je ne fais jamais ce sorte d'affaires. Mon droit de courtage est de toute autre nature. Je vous écoute, monsieur. Monsieur de Beauville. Vous êtes inspecteur des prisons? Oui, depuis près de 15 ans. Oui. Vous tenez des registres d'entrée et de sortie? Sans doute. Oui. À ces registres doivent être joints des notes relative aux prisonniers. Chaque prisonnier a son dossier. Oui, bien. Monsieur, j'ai été élevé à Rome par un pauvre diable d'abbé qui a disparu tout à coup. J'ai appris depuis qu'il avait été détenu au château d'If. Et je voudrais en savoir davantage. Mm-hmm. Son nom? C'était l'abbé Faria. Oh, mais je me le rappelle parfaitement. Et il était fou. Il se croyait possesseur d'un trésor fabuleux. Fou, dis-je. Oh, pauvre ami. Est-il mort? Eh oui, monsieur, il y a peu de temps. Et sa mort fut accompagnée d'une circonstance singulière. Le cachot de l'abbé était éloigné d'une cinquantaine de pieds de celui d'un ancien agent bonapartiste, un de ceux qui avaient le plus contribué au retour de l'usurpateur en 1815. Un homme très résolu et très dangereux. Ah, dangereux. Oui, j'ai vu cet homme. Il m'a fait une profonde impression. Et je n'oublierai jamais son visage. Ah, vraiment, oui. J'en suis tout à fait sûr. Il s'appelait Edmond Dantès. Il avait dû se procurer des outils, car à la mort de Faria, on découvrit qu'il avait creusé une galerie à l'aide de laquelle les deux prisonniers communiquaient. Ah oui, cette galerie avait sans doute été creusée dans un but d'évasion. Oui, mais malheureusement, l'abbé mourut brutalement. Ah, cela dut arrêter court les projets. Pour le mort, oui, mais pas pour le vivant. Au contraire, ce Dantès, il vit un moyen de hâter sa fuite. Il pensait sans doute que les prisonniers morts au château étaient enterrés dans un cimetière ordinaire. Il transporta le défunt dans sa chambre, prit sa place dans le sac où on l'avait cousu et attendit le moment de l'enterrement. Oh, c'était un moyen hasardeux et qui indiquait quelque courage. Oh, je vous l'ai dit, c'était un homme dangereux, un furieux. Par bonheur, il a débarrassé lui-même le gouvernement des craintes qu'il avait à son sujet. Comment cela? Le château d'If n'a pas de cimetière. On jette tout simplement les morts à la mer, après leur avoir attaché au pied un boulet de 36. Ah. Alors on attacha donc le boulet et on le jeta à la mer. Comprenez quel dut être l'étonnement du fugitif lorsqu'il se sentit précipité du haut des rochers. J'aurais voulu voir sa figure à ce moment-là. C'eût été difficile. Oh, n'importe, je me la représente. Oui, moi aussi. Alors, il s'est noyé. Bel et bien. Oui, de sorte que le gouverneur du château fut débarrassé à la fois du furieux et du fou. Exactement. Oui. Mais voulez-vous jeter un coup d'œil sur les registres? Vous y trouverez tout ce qui est relatif à votre abbé Faria, qui, lui, était la douceur même. Cela me fera plaisir. Suivez-moi dans mon cabinet. Bien sûr. Entrez, cher monsieur. Tenez, ici. Cette page. C'est tout ce que nous avons à propos de l'abbé. C'est mince. Et personne n'a jamais cru à l'existence de son trésor. Vous y auriez cru, vous, monsieur? Non. Non, c'est juste. Oh, il y a là, par contre, un volumineux dossier. Oh, rien d'étonnant, c'est celui d'Edmond Dantès, le furieux. Verriez-vous un inconvénient à ce que j'y jette un coup d'œil? Mais pas du tout. Prenez votre temps, je vais en profiter pour ouvrir le courrier qui m'est arrivé ce matin de Paris. Je vous en prie. Oui, finalement, c'est bien l'écriture de Danglars. Timbré à la poste de Marseille le 24 février 1815. Levé de 6 heures du soir. Il me la faut. comtesse. Bonapartiste enragé. Après une part active au retour de l'île d'Elbe. À tenir au plus grand secret sous la plus stricte surveillance. Je connais cette écriture. Il y a la même sur une autre page. Signée celle-là. Rendu de mon interrogatoire rédigé par Villefort. Et oui, pas de doute possible, c'est la même écriture. La même. Villefort. Le fourbe. Mon brave Coclès. Vous êtes la perle des caissiers, et pourtant vous ne serez pas encore payé ce mois-ci. Ne vous tracassez pas, monsieur Morel. J'ai quelques petites économies et je n'ai pas envie de perdre une bonne place pour une mauvaise passe que la maison traverse en ce moment. Oh, cette fois, j'ai bien peur. Mais non. Et tant que nous serons là, Emmanuel et moi, vous verrez que nous pourrons nous en sortir. C'est bien vrai que sans vous deux... Entrez. Ah, c'est vous, Emmanuel. Mademoiselle, votre fille m'a chargé de vous dire qu'il y avait en bas un homme qui souhaitait vous rencontrer. Ah. Un créancier, sans doute. Mademoiselle Julie m'a dit qu'il s'était présenté comme le premier commis de la maison Thompson & French de Rome. Faites-le entrer. Allez, Coclès, je vous appellerai si j'ai besoin de vous. S'il vous plaît, monsieur. Vous savez de quelle part je viens, n'est-ce pas ? Maison Thompson and French, à ce que m'a dit mon commis. Yes. Well, voici le but de ma visite, monsieur. Notre maison avait, dans le courant de ce mois et du mois prochain, 3 000 ou 4 000 francs à payer en France. Connaissant votre rigoureuse exactitude, elle a réuni tout le papier qu'elle a pu trouver portant votre signature et m'a chargé, au fur et à mesure que ces papiers échoueraient, d'en toucher les fonds chez vous et de faire emploi de ces fonds. Ainsi, monsieur, vous avez des traites signées par moi. Oh, yes, pour une somme assez considérable. Pour quelle somme exactement? Well, voici d'abord un transport de 200 000 francs fait à notre maison par monsieur de Beauville. Reconnaissez-vous lui devoir cette somme? Oui. C'est un placement qu'il a fait chez moi, à 4,5 du cent, voici bientôt 5 ans. Oui, et que vous devez lui rembourser? Moitié le 30 de ce mois, moitié le 30 du mois prochain. Oh. Et puis, voici 32 500 francs, fin courant. Ce sont des traites signées de vous et passées à notre ordre par des tiers porteurs. Je le reconnais. Est-ce tout? No, not exactly. Pas tout à fait. J'ai encore, pour la fin du mois prochain, ces valeurs-ci qui ont été passées par la maison Pascal et la maison Wild & Turner de Marseille. 55 000 francs, à peu près. En tout, 287 500 francs. 287 500 francs. Yes. Or, je ne vous cacherai pas, monsieur Morel, que tout en faisant la part de votre probité, sans reproche jusqu'à présent, le bruit public de Marseille est que vous n'êtes pas en état de faire face à vos affaires. Monsieur, depuis la création de cette maison, pas un billet signé Morel et fils n'a été présenté à la caisse sans être payé. Yes, yes, yes, I know that. Je sais cela, oui. Mais d'homme d'honneur à homme d'honneur, parlez franchement. Paierez-vous ceci avec la même exactitude? Oui, je paierai. Si, comme je l'espère, mon bâtiment arrive à bon port. Car son arrivée me rendra le crédit que les accidents successifs dont j'ai été victime m'ont ôté. Mais si par malheur cette dernière ressource sur laquelle je compte me manque... Well? C'est cruel à dire, monsieur. Mais déjà habitué au malheur, il faudra que je m'habitue à la honte. Je crois que je serai forcé de suspendre mes paiements. Oh, yes. Mais n'avez-vous point d'amis qui puissent vous aider dans cette circonstance? Dans les affaires, on n'a point d'amis. On n'a que des correspondants. Oh oui, that's true. Oui, ainsi vous n'avez plus qu'une espérance. Une seule. La dernière. La dernière. Oui, de sorte que... Si cette espérance vous manque... Je suis perdu, monsieur. Complètement perdu. Le pharaon est parti de Calcutta le 5 novembre. Il devrait être ici depuis plus d'un mois. Ce retard n'est pas naturel. Oh, what that? Listen! Mais... What the, that noise? Mais mon Dieu, qu'y a-t-il encore? Qu'est-ce que ce bruit? Pardonnez à votre fille d'être la messagère d'une mauvaise nouvelle. Julie. Du courage. Ainsi le pharaon a péri. Oui. Et l'équipage? Sauvé par un navire bordelais qui vient de rentrer au port. Oh, merci, mon Dieu. Au moins, vous ne frappez que moi seul. Penelon, le timonier est là, avec tous les matelots. Entre, Penelon. Entrez tous, mes bons amis. Alors, Penelon. Tous, on a le cœur brisé, monsieur Morel. On aimait bien le pharaon, vous savez. Oui, Penelon. On a tout fait pour le sauver, mais avec une voie d'eau pareille et cette tempête... Mais, le voilure. Comment était le voilure? Le capitaine avait fait ranger à prendre deux riz dans les huniers. Il criait « Largue les boulines, brasse au vent, amène les huniers, pèse les palanquins sur les verres. » Mais ce n'était pas assez! J'aurais pris quatre riz et je me serais débarrassé de la misaine. Et vous auriez eu raison, monsieur. Mais qui êtes-vous donc pour être si adroit à la manœuvre? Un Anglais. Ce n'est pourtant pas une référence. N'empêche que... Vous me rappelez quelqu'un, mais qui? Ben, ça me reviendra. Et le pompe. J'espère que vous n'avez pas abandonné le pompe. Et le premier qui quitte la pompe et hurle le capitaine, je lui brûle la cervelle. C'est très bien. Et ensuite? Le navire a plongé de l'avant... Mais s'il n'y avait pas eu la Gironde, un Bordelais, on ne serait pas ici à vous rapporter cette bien triste nouvelle. Et le capitaine Gomard? On l'a laissé malade à Palerme. Mais rassurez-vous, il reviendra. Vous êtes de braves gens. La volonté de Dieu n'est pas la faute des hommes. Et maintenant, combien vous est-il dû de soldes? Ne parlons pas de ça, monsieur Morel. Mais si, parlons-en au contraire. Eh bien, on nous doit 3 mois. Julie, dis à Coclès de payer 200 francs à chacun de ses braves. Oh, c'est pas nécessaire, monsieur. Hélas, mes amis, je ne peux pas vous donner de gratification supplémentaire, car le peu d'argent qui me reste ne m'appartient plus. Monsieur Morel, les camarades ont dit que pour le moment, ils ont assez de 50 francs chacun. Pour le reste, ils attendront. Oh, brave cœur. Et sachez-le bien, monsieur Morel... pas question pour nous de quitter la maison. On reste à votre service. On est sûr que tout finira par s'arranger pour vous. On vous aime bien, et votre famille aussi. Merci, mes amis, merci. Allez. Julie, accompagne-les. Et veille à ce que mes désirs soient accomplis. Il me semble, monsieur, que je n'ai plus rien à vous apprendre. Non. Ce que je viens de voir m'a confirmé dans le désir que j'ai de vous être agréable. Désirez-vous un délai pour me payer? Un délai pourrait me sauver l'honneur et par conséquent la vie. Wow. Combien demandez-vous? 2 mois. All right, je vous en donne 3. Nous sommes aujourd'hui le 5 avril 1829. Renouvelez-moi tous ces billets au 5 juillet. Et le 5 juillet, à 11 heures du matin, je me présenterai chez vous. Je vous attendrai, monsieur. Et vous serez payé. Ou je serai mort. Ne vous dérange pas, monsieur. Je connais le chemin. Mademoiselle Julie, je crois. Oui, monsieur. Oui, mademoiselle Julie. Écoutez-moi bien. Vous allez recevoir un jour une lettre signé Simbad, le marin. Mais, monsieur... Non, je vous en prie. Faites de point en point ce que vous dira cette lettre, si étrange que vous paraisse la recommandation. Me promettez-vous de le faire? Je vous le jure. Well, well, well. Adieu, mademoiselle. Demeurez toujours une bonne et une sainte fille comme vous êtes, et j'ai bon espoir que Dieu vous récompensera en vous donnant Emmanuel pour mari. Oh, monsieur, si vous pouviez dire vrai. Hénelon. Oui, monsieur. Oui. Venez, mon ami, j'ai à vous parler. C'était Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Adaptation Pierre Dupriez et Serge Martel. Aujourd'hui, 10e épisode, Les registres des prisons. Avec Edmond Dantès, alias le commis de Thompson & French, alias l'abbé Busoni, Pierre Santini. Monsieur de Beauville, Jacques Degore. Cadrousse, Armand Meffre. La Carconte, Anne-Marie Coffinet. Julie Morel, Marianne Épin. Pénelon, René Morard. Coclès, Jean Brunel. Emmanuel Raymond, Luc Ponnet. Monsieur Morel, Fred Persson. L'annonceur, Bernard Lavalette. Bruitage, Louis Amiel. Chef opérateur du son, Marcel Grenier. Collaboration technique, Bernard Delfieux. Régisseur de production, Anna Sibert. Réalisation, Jean-Jacques Vierne. Cet épisode a été diffusé pour la première fois sur France Culture le 24 octobre 1980. Lundi, à la même heure, la suite. D'ici là, vous pouvez télécharger cet épisode, ainsi que les précédents, sur le site franceculture.fr à la rubrique de l'émission.